Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 619. Nous sommes le 27 novembre 2024 et l'album de la semaine, c'est 33 and One Third de George Harrison en 1976. Et je vous signale que cet album a été proposé par Jean-Marcel Genest qui n'a pas hésité à me dire « J'aimerais bien écouter cet album-là ». Et moi je lui ai dit « Banco, on y va ». On va donc écouter « True Love » sur cet album-là, « Dear One », This Song, See Yourself, Beautiful Girl, et on terminera par Learning How to Love You. Il y aura également du Starr, du McCartney, du Lennon et forcément des Beatles, puisque c'est le thème de l'émission, la saga des Fab Four. Pour Ringo Starr, ce sera Photograph sur l'album Ringo en 73. McCartney le chantera toujours en 1973 sur Red Rose Speedway, My Love. Quant à John Lennon, ce sera Cripple Inside sur Imagine en 1971. Quant aux Beatles, nous reviendrons au début, mais pas complètement début, c'est-à-dire que Love Me Do est déjà sorti. Ce sera un single de 1963, I Want to Hold Your Hand. Voilà, pour le reste, vous allez le découvrir au fur et à mesure de ces 2h, quelque chose d'émission. Et je vous convie à venir sur Facebook, c'est le seul groupe que je regarde, sinon je n'aurai pas le temps d'aller sur Twitter, sur Macablog, sur Yellow Submarine et sur un petit nouveau Blue Sky. Maintenant on est sur le réseau Blue Sky et là-dessus je mets simplement les affichettes et les podcasts de façon à ce que vous puissiez savoir ce qui a été fait. Mais vous pouvez y aller, vous pouvez nous rejoindre, la saga des Fab Four. Bon. Donc rejoignez-nous sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four pour pouvoir discuter et on se retrouve dans quelques secondes pour le premier titre. Le premier titre, c'est une reprise de Cole Porter, True Love, version George Harrison sur l'album 33 and One Third. Bonne écoute. Thank you. révisez vos classiques. Tout l'album est comme ça, joyeux, lumineux. C'est un très bon album que cet album de la semaine proposé par Jean-Marcel Genestre. Nous sommes en 1973 et les Beatles n'ont jamais été aussi près d'une reformation puisque on verra trois quarts des Beatles en studio. Ringo avec John et George. Ringo avec Paul. Mais pas Ringo, George, Paul et George. Non, Ringo, George, Paul et John, voilà. Donc pas les quatre ensemble, parce qu'à cette époque-là, ça fricote un petit peu quand même. Quoique, dès 1974, Paul renouera avec John, puisqu'il ira le voir, il sera de passage aux États-Unis, il ira voir John, et qu'il acceptera de le faire rentrer chez lui. Et donc, ça n'est que passager. Mais à cette époque-là, c'était encore un petit peu la guéguerre. Et George Harrison aide Ringo Starr à faire une chanson qui s'appelle « Photographe », qui à l'origine était une chanson, un gars qui regarde une photo de son ex-petit ami et qui se rappelle, qui se dit « elle est plus là et je suis bien triste ». Je résume, bien sûr. Et en 2002, lorsque il y a eu le concert for George au Royal Albert Hall, Ringo a dit « cette chanson-là n'a plus la même signification pour moi ». Et oui, là maintenant, il regarde une photo de George, Ringo Starr, et il se dit « il me manque, je l'aimais beaucoup ce gars-là ». Voici « Photographe » sur RIG, dans la saga des Fab Four. But all I've got is a photograph, and I misunderstood. It's in the hands of my love. And my love, does it go? I'll still find something there with my love. It's understood. It's everywhere with my love. Moment de douceur offert par Paul McCartney à sa femme Linda vous a été offert également par la saga des Fab Four. Et puis, je n'oublie pas la remarque de Yann, très judicieuse. Paul McCartney, le concert, le premier concert, dans une semaine pile. You can't. Merci John, on vous écrira. Non, sérieusement, c'est une belle chanson de John sur l'album Imagine en 1971. Revenons en 1963. Il y avait chez les Asher un piano dans la salle du sous-sol où John et Paul travaillaient parfois. Et c'est là qu'ils composaient I Want to Hold Your Hand, la chanson qui leur permit de conquérir les États-Unis en plaçant un 45 tours au sommet des charts américains pour la première fois en janvier 1964. Ce fut d'ailleurs un exploit remarquable si on considère qu'aucun artiste pop anglais n'avait vraiment réussi à s'affirmer sur ce marché. En 1956, Lonnie Donegan, le roi du skiffle, avait placé un titre, Rock Island Line, dans le top 10, et cela après 4 mois de tournée. Cliff Richard, malgré ses tournées, ses films et ses apparitions dans l'Ed Sullivan Show, n'avait décroché qu'un hit mineur avec Living Dolls. Seuls 3 titres anglais avaient décroché la première place des charts américains. Vera Lynn avec Auf Wiedersehen, oui, c'est vachement anglais. Enfin, je connais pas le titre, on ne sait jamais. En 1952, Acker Bilk avec Stranger on the Shore en 1961 et les Tornadoes avec Telstar en 1962. Les Beatles, qui avaient réalisé des ventes médiocres sur les labels VJ et Swan Records, étaient maintenant chez Capitol. Et Brian Epstein avait convaincu les responsables de cette maison de disques qu'en leur promettant que le 45 tours suivant aurait un son plus américain. D'après les souvenirs de John, « I Want to Hold Your Hand » est né lorsque Paul, qui jouait avec un premier verre, plaqua un accord sur le piano. Je me suis tourné vers lui et j'ai crié « Ça y est, c'est ça, refais-le !» À l'époque, on travaillait vraiment comme ça, en fonçant sur la première idée que pouvait avoir l'autre. Gordon Waller, un ami d'école du frère aîné de Jan Asher, Peter, ils formeront plus tard le duo Peter and Gordon, se souvient qu'ils se trouvaient dans la maison ce jour-là. Si mes souvenirs sont exacts, John était à l'orgue et piano, et Paul au piano, raconte-t-il. Le sous-sol était l'endroit où nous avions tous le droit de faire notre bruit. Et ils nous appelèrent pour nous faire entendre une chanson qu'ils venaient d'écrire. Elle n'était pas tout à fait terminée, mais la structure et le refrain étaient là. Avec cette chanson, les Beatles s'adressaient bien sûr encore à leur public, des adolescentes, pour lesquelles se tenir la main et s'embrasser était le paroxysme de l'expression physique. I Want to Hold Your Hand n'impliquait pas la moindre réticence sexuelle de la part des Beatles. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson, premier hit américain des Beatles. I wanna hold your hand. I wanna Vous savez, après avoir fait le tour de tout le monde, on fait le point sur votre système pour tout savoir sur les Beatles. Il y a le site Maca Club. Vous avez un forum sur le net que vous pouvez retrouver et également une page Facebook Maca Club. C'est sur ce site-là qui est vraiment spécialisé sur McCartney que vous pouvez vraiment tout apprendre, mais vous pouvez parler des autres Beatles, bien entendu, ça n'est pas interdit. Il y a le site yellowsub.net que vous pouvez retrouver sur un forum sur le net et également en page Facebook sur Facebook, forcément. On parle des Beatles, on peut parler de Paul. D'ailleurs, je l'ai dit il y a quelques secondes, Paul McCartney commence sa tournée française, enfin sa tournée française de deux dates. C'est pas grand-chose, mais c'est bien. Tant mieux. La semaine prochaine, mercredi prochain. Donc, je vous rappelle que mercredi prochain, il n'y aura pas de saga des Fab Four. Voilà. Et moi, j'y serai le 5 dans la joie et la bonne humeur. Et puis, il y a le troisième site, le site international en langue anglaise de Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur les Beatles ou l'actualité de nos quatre amis de Liverpool, les tournées, les nouveaux CD, etc., faites un tour sur beatlesmagazine.com 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est aussi sur Instagram, Twitter ou X si vous préférez. Et également Pinterest. Pensez-y, des millions de visiteurs chaque jour, les émissions connues sur les Beatles répertoriées partout dans le monde. C'est beatlesmagazine.com. Merci Lovely Rita et vive les Beatles, les Beatles. Retour à l'album de la semaine avec Dear One, très très belle chanson signée George Harrison sur l'album 33 1/3. Vous êtes sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. My spirit sings to you now. nation stands at your feet. My feelings call to you now. Dear one, I love you. You hear my spirit sing to you. You see creation at your feet. You feel my feelings calling you. Ça, c'est Paul McCartney en 1971 sur l'album Ram. Et vous le savez, depuis à peu près 2010, c'est pas précis à ce point-là, la voix de Paul a vieilli et je lui reproche, je dois pas être le seul quand même, d'essayer toujours de reprendre les chansons principales que tout le monde a envie d'entendre dans la tonalité de l'époque. Alors qu'il pourrait faire autrement, il l'a prouvé en 2012 en faisant un remake de cette chanson-là, pas long. Je crois que me souvenir que c'était pour une publicité. Écoutez ce que ça donne avec, on va dire, la nouvelle voix de Paul McCartney. Il se débrouille autrement et c'est très très bien comme ça. Paul, tu pourrais faire ça. C'est amusé. Voyez, c'est faisable. Tonalité différente, orchestration différente.

Après avoir passé des heures à Hambourg à faire danser les gens, à chanter, ils étaient rodés à l'exercice et dès leur premier album, ils sont bons les Beatles. Et sur cette chanson-là, il y a deux prises. La première prise, c'est celle que vous venez d'entendre dans laquelle John donne tout ce qu'il a. Et la deuxième prise, à ce que j'ai lu quelque part, je ne sais plus où, eh bien, elle était moins bonne parce qu'il avait la voix complètement morte. Il avait donné tout ce qu'il avait dès la première prise. Donc, bah, c'est très, très bien. Et longtemps, beaucoup de personnes ont dit, mais Twist and Shout, c'est une chanson des Beatles. Alors, ce sont les Beatles qui ont chanté ça, oui. Mais ça n'est pas une chanson des Beatles, c'est une reprise. Got to get down, down on my knees. Got to get down, down on my knees. Carry on. Vous êtes en plein cœur de la saga des Fab Four numéro 619 sur RIG 90.7 qui est la radio des Beatles, la seule qui diffuse une émission hebdomadaire de John, Paul, Ringo et George tous les mercredis entre 20h et 22h, entre septembre et fin juin. Après, on se prend 2 mois pour se reprendre un peu en source, pour se reposer. Alors, reposer la voix, c'est exagéré, parce qu'une fois par semaine, c'est pas beaucoup. Mais pour reprendre des idées, pour avoir envie, l'envie d'avoir envie. Ça me rappelle l'émission Johnny de A à Z, tiens. Et donc, profitez-en, puisque c'est uniquement ici, sur cette radio RIG 90.7, également sur www.rigfm.fr. Nous en sommes à l'album de la semaine. Et l'album de la semaine, c'est 33 and One Third, que je suis content de bien prononcer aujourd'hui, ça passe bien. Et sachez que en 1970, lorsqu'il a surgi dans les charts devant ses partenaires, ses ex-partenaires John et Paul, avec la chanson My Sweet Lord, George a été accusé de plagiat d'une chanson des Chiffons qui s'appelait It's So Fine, doulin, doulin, doulin. Et c'est quasiment complètement la même chanson. Et il s'est présenté au tribunal en disant que s'il y avait peut-être plagiat, c'était involontaire. Après tout, je ne suis pas musicien, donc je ne peux pas juger, sauf que c'est quand même vachement près. Mais il en a fait une chanson avec un clip absolument drôle. On voit George Harrison avec une menotte, mais il entraîne le policier parce qu'il joue de la guitare. Il y a le juge, qui est un copain à lui, qui tape aussi de son marteau en rythme. C'est un truc à voir, c'est plutôt sympa. C'était en 1976 sur 33 and One Third. Et dans la chanson, il dit, cette chanson-là, mon producteur a dit que c'était bon, elle ne franchissait aucun, elle n'abusait pas des copyrights de quelqu'un d'autre. Elle est en E, voilà, comme toujours, mon problème. Je ne sais pas si E, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, et puis de toute façon, j'y comprends rien. C'est une chanson humoristique, comme pouvait l'être George Harrison. Voici cette chanson, This Song, sur RIG. Thank you. Helen Wheels, c'est un single en 1973, une chanson de Paul McCartney parue pour la promotion de l'album Ben on the Run. Mais l'album étant sorti après, la chanson n'a pas été incluse sur sa version britannique. Elle apparaît en revanche sur la version américaine ainsi que sur les éditions postérieures. Il s'agit d'un rock inspiré des chansons de Chuck Berry sur les routes et villes entre Londres et la résidence écossaise de Paul McCartney. Le titre s'inspire du surnom qu'il avait donné à sa Land Rover, Hell on Wheels, donc l'enfer sur roues. Dans son livre autobiographique, Paul McCartney in His Own Words, paru en 76, Paul raconte « Helen Wheels est notre Land Rover. C'est un nom que nous avons donné à notre Land Rover, un véhicule en lequel nous avons confiance qui nous balade partout en Écosse. Il nous emmène jusqu'aux îles Shetland et à Londres. La chanson commence à Glasgow et passe devant Carlisle, va à Kendal, Liverpool, Birmingham et Londres. C'est l'itinéraire qui descend de notre ferme écossaise vers Londres, donc c'est vraiment l'histoire du voyage vers le sud. De petites images en cours de route. Liverpool est sur la côte ouest de l'Angleterre, c'est tout ce que cela signifie, rien de plus. Mais c'est un rock plutôt sympa. Un petit clin d'œil à mes copains de l'aéroport de Mérignac, Bordeaux. Un avion back in the USSR sur RIG 90.7. La radio des Beatles. Flew in from Miami Beach, BOAC. Didn't get to bed last night. On the way to paperback was on my knee. Man, I had a dreadful flight. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the USSR. Je me pose la question. Why don't we do it in the road? La saga des Fab Four sur la radio. The Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? You come out to play. ce fantastique album blanc sorti en 1968 et ressorti 50 ans plus tard avec vraiment un son retravaillé. On a l'impression d'abord qu'il a été enregistré hier, avant-hier peut-être, et puis surtout que on entend de la quelquefois des notes qu'on n'a jamais entendues. C'est vraiment fabuleux. Il faut l'avoir, cet album. C'est tout simple. Alors l'album blanc, ce sont nous les fans qui l'avons appelé comme ça, parce qu'au départ l'album s'appelle rien. The Beatles écrit en blanc sur du blanc, en léger relief, mais il n'a pas de titre, cet album-là. C'était pour faire une opposition à l'album précédent, Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, qui lui était très très très très riche sur la couverture, quoi. Il y avait plein de choses. Donc du coup, comme les Beatles essayaient de ne jamais refaire la même chose, ils se sont dit, on a fait super riche en couverture, on va faire rien en couverture. Et tout comme lorsqu'ils ont fait Let It Be, ils se sont dit, on a essayé de faire plein de re-recording, etc., de réenregistrement pour faire une musique chaleureuse, épaisse, tout ce que vous voulez, pour faire quelque chose de bien. Eh bien, on va faire l'album Get Back, et ça va être juste nous quatre, ce qu'on peut faire à quatre. Ça a tourné autrement, et c'est devenu Let It Be, ainsi soit-il. Et ça, c'est une autre histoire. I know. John Lennon, à l'instant, dans 1973, I Know, I Know. Retour à l'album de la semaine, l'album 33 and One Third, et cette chanson, See Yourself. C'est à propos de la prise de LSD et l'expérience que Paul a eue à propos de ça avec la presse. John et moi, je parle de, comme si j'étais George Harrison, puisque je suis sur son bouquin I Me Mine, nous en avions pris à peu près 2 ans avant que ce soit dit publiquement. Après avoir fait cette expérience, John et moi, on voulait que les autres sachent ce que ça donnait parce qu'il semblait qu'il y avait un énorme espace entre eux et nous. Ringo a essayé et Paul ne voulait pas le faire. Et à peu près 2 ans plus tard, il l'a finalement fait et finalement, eh bien, c'est sorti sur dans les journaux. Ils étaient allés voir Paul, ils avaient dit « Est-ce que vous avez pris cette dangereuse drogue LSD ?» Et il avait dit « Écoutez, je vais vous dire la vérité, ça va être votre responsabilité si les journaux en parlent. » Et alors il dit « Oui, je vais vous dire, dites-nous simplement si vous en avez pris ou pas. » Il dit « Oui, et bien sûr, ils l'ont tout de suite publié au niveau mondial. » Ça a été un très grande mauvaise publicité, on va dire, quelque chose comme ça. Vous auriez dû dire non. Et j'ai écrit la plus grande partie de cette chanson en 1967, mais je ne l'ai terminée que bien plus tard. Donc, au début de la chanson, il dit « c'est plus facile de dire un mensonge que de dire la vérité. C'est plus facile de tuer une mouche que de la laisser partir. » Voilà. Donc, c'est cette chanson qu'on va entendre sur l'album 33 and One Third. C'est See Yourself sur RIG. Temps de parler de la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George à l'origine, avec les Beatles ou en carrière solo, même si eux-mêmes reprenaient la chanson de quelqu'un d'autre. On a parlé en début d'émission de Twist and Shout. Et c'est un artiste connu ou pas, ça pourrait être vous, si vous m'envoyez une chanson, une reprise des Beatles que, ou de John Paul Ringo George que vous avez faite et qui est très agréable aux oreilles, eh bien vous pouvez le faire, je la diffuserai sur cette partie de la saga des Fab Four. Là, c'est quelqu'un d'assez connu. Il a fait un grand boom en 1979 avec son album Off the Wall. C'est Michael Jackson qui, en 1979, reprenait déjà la chanson de Paul McCartney, Girlfriend. La voici sur RIG. Green clouds hide the sun. Green. C'est une phase B. La phase B de Ebony and Ivory de Paul McCartney avec Stevie Wonder, sortie en 1982. John Lennon avait fait une chanson, c'était Goodnight pour Julian. Cette fois-ci, c'est pour Sean, Beautiful Boy, en 1980. Close your eyes. Have no fear. The monster's gone. He's on the run and your daddy's here. À retenir de la part de John Lennon. Life is what happens to you while you're busy making other plans. La vie, c'est ce qui t'arrive quand tu es occupé à planifier autre chose. C'est pas faux. Et puis lui qui était tellement pessimiste, là sur la fin il dit Every day in every way is getting better and better. Chaque jour, partout, ça, c'est de mieux en mieux. Ah, c'est bien quand même. Il l'avait dit en interview en 1980. J'ai 40 ans, je me sens bien, je pense que j'ai la vie devant moi. Ça n'a pas été le cas. Bon, mais vraiment, une très très belle chanson. On va revenir à l'album de la semaine, mais auparavant, je vais vous faire écouter la maquette qui est apparue sur les 50 ans de l'album All Things Must Pass, parce que cette chanson-là est débutée en 1970. C'est la chanson Beautiful Girl qui apparaît sur 33 and One Third en 1976. Mais voilà ce qu'elle donnait, pas complètement terminée, c'est la prise 1 en 1970. Now

number of husbands and wives. Rock is good. Good, good, good, good, good. Don't you think? Allez, vous faites trembler les haut-parleurs. Le son à fond sur RIG. Qu'est-ce que j'aime cette chanson, qu'est-ce que j'aime cet album Back to the Egg de Paul McCartney en 1979. C'est un chef-d'œuvre que même l'auteur ne sait pas reconnaître comme étant un chef-d'œuvre. C'est vraiment un très très bon album. Et j'ai eu la surprise sur Facebook un jour de tomber sur des auditeurs qui n'aiment pas cet album. Et franchement, alors tous les goûts sont dans la nature, bien entendu, ils ont le droit de ne pas aimer. Mais ça me paraît étonnant parce qu'il est vraiment vraiment très très très très bon. On revient une dernière fois à l'album de la semaine avec cette belle chanson sur l'album 33 and One Third de George Harrison, conseillé par l'ami Jean-Marcel Geneste. Merci à toi. Voici Learning How to Love You sur RIG. Let's go.

and tears in the rain still take me back where my memories remain. Flickering embers grow higher and higher as they carry me back to the Mulligan time. Un autre 45 tours de Paul McCartney en 9 ans plus tard, en 1986, Right Away, et ce sera suivi par Baby's Request sur l'album Back to the Egg, ce chef-d'œuvre. Love, love, love, write a letter. You need love.

Je sais, vous auriez préféré que ça dure encore et encore et encore, mais demain matin, on va dire, pour résumer, je vais faire une sieste et je vais repartir au boulot. Donc, pour arriver à tenir toute la matinée, il faudrait que j'aille dormir, les amis. Donc, merci d'être resté jusqu'à 22h passées. Merci à Eric de ne pas être venu comme ça. J'ai pu terminer la playlist sans enlever la moindre chanson, ce que je fais à chaque fois qu'il est là. Je ne t'en veux pas, Eric, hein. Y a pas de problème, c'est normal. Et puis merci de me permettre de prolonger toujours un tout petit poil. Ça me fait plaisir. Et je vous donne rendez-vous, alors pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, pas d'émission. On se verra dans 15 jours. Et il y aura également un arrêt de la saga le 25 décembre et le 1er janvier. Pour cause de fête, tout simplement, vous pourrez être avec les vôtres sans être obligé d'écouter la saga des Fab Four. Et moi aussi d'ailleurs, pour la même occasion. N'oubliez pas que lorsque Eric n'est pas là, il y a un petit bonus juste après... le générique. Je ne vous dis pas s'il s'agit de Paul McCartney ou de quelqu'un d'autre. C'est une chanson que vous aimez bien, je le sais. Qui date de 2019. Voilà. À très bientôt. Salut. Ciao. Ça passe vite, hein, 2h et quelques minutes. Ça passe très très vite. and sisters, fathers and mothers, misses and misters, workers and lovers, thank God. Ringo Starr en 2019 sur l'album What's My Name. Je vous donne rendez-vous le 5 décembre pour le, à Paris pour le concert, mais vous pouvez également y aller le 4, hein, y a pas de problème. Il y sera, lui, à Paris La Défense pour le concert de Paul McCartney. À très bientôt. Salut.